Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Gamozo. Nous sommes le jeudi 7 février, il est 18h. Ah ben il va même être 18h01, tiens, émission spéciale aujourd'hui. Au début d'ailleurs, c'était prévu spéciale Galerie des Artistes, hein, qui se déroulera ce dimanche 10 février à Saint-Étienne-lès-Remiremont, à la salle polyvalente, pour être précis, toute la journée, de 10h à 18h. Vous êtes attendus, c'est gratuit, il y aura une quarantaine d'exposants et le clou chaque année, le clou de la journée, en tout cas le moment attendu, c'est le défilé de mode, le défilé costumé à 15h. Et en plus de parler de cet événement avec Chantal Rousseau et, j'allais dire, sa copine, on peut le dire, Jocelyne Michel, bonjour à vous. Bonjour. Chantal, vous la connaissez, hein, c'est à elle qu'on doit se défiler, hein, puisque oui. J'ai envie de dire, tu es costumière, tu es couturière, tu es artiste au sens large, hein, on le verra, hein, puisque tu peins, tu fais tout, de la photo, depuis ton plus jeune âge. Faut bien s'occuper. Et quelqu'un nous a rejoint, depuis quelques minutes, c'était l'imprévu, et ça tombe bien l'imprévu quand il est question de théâtre, puisque Jean-Pierre Adam, lui, alors d'ailleurs on va voir hein, ton rôle exactement auprès de la troupe Côté Coulisses, la troupe théâtrale Voinrode, qui jouera une pièce intitulée « Incruste à domicile ». À partir de ce vendredi, on va donner hein, bien sûr les dates et horaires. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça tombe bien. L'imprévu, ça peut aller avec le théâtre, avec par exemple le Vaudeville. Mais de toute façon, là, je m'incruste. Je suis très bien dans la pièce. Ouais, c'est ça. Je me suis incrusté, oui, tout à fait. Tu as bien fait. On invite chacun. Alors là, maintenant, c'est peut-être un peu tard. On serait peut-être de trop pour. On aurait plus assez de temps pour parler de ce dont on va parler, mais pour d'autres moments, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous vous ouvrirons les micros ici. À Radio Gamozo, au 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne, ça c'est pour la précision. Nous allons débuter, je le disais, Chantal, toi, tu proposes, alors depuis ça fait combien de temps le défilé qu'il est proposé alors, à la Galerie des Artistes ? Le défilé, c'est peut-être le 8e peut-être, ou 7e, je ne sais plus exactement. Faudrait que je regarde, que je recompte. Difficulté à chaque fois de trouver. Les costumes, ça va, puisqu'il y en a 400, je crois, oui. plus de 400 à louer. Oui, plus de 400, oui. À chaque année, tu arrives à faire un choix par rapport notamment à la thématique. Bah, on essaie de mettre des thèmes, oui. La Galerie des Artistes a un thème. Non, c'est le défilé qui a un thème. Oui, le défilé. La salle aussi, hein, parfois, pour les exposants. Toute la galerie. Oui. Et là, le thème du défilé cette année, c'est les couples, puisqu'on approche de la Saint-Valentin, hein, à 2 jours de Saint-Valentin, 4 jours de Saint-Valentin, on sera le 10, hein, dimanche. Donc, les couples, ça sera tous les couples, là. Même des couples d'enfants, voilà. Et je le dis déjà, hein, puisque j'ai vu les différents costumes qui seront représentés dans les couples, il y aura malheureusement pas un costume que tu loues, et je suis déçu qu'il ne soit pas porté. Qu'est-ce que c'est ? Ah ben, le couple préhistorique. J'ai failli. Ah, il aurait fallu le montrer, celui-là. Il a déjà paru, l'an dernier ou l'an d'avant. Ah ben, ça devait être... C'était folklorique, oui. Et j'avais même le gorille avec, qui circulait. Si vous voulez aller voir ces costumes, vous ne les verrez pas dimanche si vous venez à la Galerie des Artistes, puisque là, on l'a dit, ils ne seront pas dans le défilé, mais vous pouvez aller sur le site de Chantal Rousseau, puisque là, il y a tous les costumes que tu proposes, et puis bien au-delà, hein, je le disais, les tableaux que tu peins, les tricots, crochets, bijoux, photographies, tout ce que tu proposes. Alors, c'est chantalcostume88.fr, c'est le nom du site. Oui. Mais bon, généralement, on tape en Chantal Rousseau, costume, on tombe oui. dessus. Chantal, costume, c'est direct, oui. Jocelyne Michel, Jocelyne, oui, ton prénom, tu seras présente. Alors là, toi, c'est pas la première fois non plus hein, que tu participes à la Galerie des Artistes. Ça doit faire la 4e fois. Et tu es céramiste. Céramiste amateur, hein. Je reste toujours un amateur parce qu'il y a beaucoup de techniques que je n'aborde pas et que je ne maîtrise pas. Donc c'est pour ça que je me considère pas comme une pro. D'ores et déjà, là aussi, je peux inviter les gens qui ont envie de voir ton travail. Bah déjà, d'aller dimanche à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Miremont, hein, de 10h à 18h, je le disais, pour te rencontrer. En plus de voir tes œuvres, eh bien, ils pourront échanger avec toi. Mais sur Internet, j'ai eu du mal, hein, je dois le dire, à trouver des choses. Mais il y a quand même quelques traces, puisque tu participes à de nombreuses expositions, on peut le dire, un peu partout dans le département. Oui, ben là je viens de faire récemment une expo à la galerie du Bailly à Épinal. Alors il y a effectivement quelques photos de ce moment. Voilà. Il y a aussi bien plus loin en allant vers les années 2015 à Rambervillers. Si ah oui. Souviens, et oui. C'est assez magnifique si vous allez voir. Hein. Alors vous pouvez taper Jocelyne Michel céramiste par exemple. Oui, oui, oui. Et vous verrez qu'il y a de monumentales œuvres en céramique. Ah oui, j'étais oui, oui. Surpris de ça, moi. Je croyais que c'était que des petits modèles, mais non, tu proposes. Ah non, non, je fais des organisations de céramique avec du bois, avec des choses comme ça, avec des. Si j'ai une personne pour m'aider à façonner ce que j'ai dans ma tête, mes idées, à les faire évoluer, à les faire monter, parce que je suis ni je ne travaille pas le bois, je sais pas percer, ni faire les clous, ni faire quoi que ce soit. Donc, si j'ai une personne aimable qui m'aide, je lui dis ce qu'il faut faire, et puis je fais des choses, des montages. Voilà. Ta spécificité, ce sont les animaux? Pas spécialement, parce que j'adore aussi faire les visages, j'adore faire les personnages, mais mes animaux ont toujours une note humoristique. Tu utilises, même pour la céramique, le principe de la caricature. Voilà. J'adore. J'avais fait des petits Gainsbourg, des arbres qui, le tronc, c'était Gainsbourg. Ça a eu un succès fou. J'ai fait des œufs qui, au moment de l'éclosion, avec une main qui sortait, qui se grattait la tête, des choses comme ça. C'était tout vraiment la nature, mais avec plein d'humour. Voilà. Vous pourrez voir ça dimanche à Saint-Étienne. Et puis, sur Internet, il y a aussi un autre endroit. C'est le site picbee.com, où tu as mis quelques-unes de tes céramiques. Donc, picbee, P-I-K-B-Y. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut le dire en français ou s'il faut dire picbee, hein, mais .com. Mmh. Quand on tape dans son moteur de recherche picbee.com Jocelyne Michel, on tombe sur différentes photos. T'es au courant ou pas? Ben, je suis pas au courant, mais j'ai un fils qui me met des fois, il me balance des choses sur certains sites parce qu'il trouve que ce que je fais, ben il y a certaines choses qui lui plaisent pas, mais il y a des choses qui lui plaisent. Alors il les montre un petit peu à toutes ses connaissances que je ne connais pas d'ailleurs moi. Pour ce qui est de Jean-Pierre Adam, qui, lui, ne sera pas à la Galerie des Artistes à Saint-Étienne, puisqu'il sera en pleine représentation théâtrale dimanche, faudra que les auditeurs fassent un choix. Ça sera ou le défilé, puisque c'est 15h, la représentation de la troupe côté coulisses de Vanier. Alors, je vais d'ailleurs tout de suite donner les dates et heures. Ça commencera vendredi. La première représentation, Jean-Pierre. Alors, ce n'est pas la première. Ah. On a déjà joué le week-end dernier et mardi de cette semaine. Donc, nous sommes déjà en deuxième partie. Et les dates sont vendredi, samedi à 20h30 et dimanche à 15h. Et le week-end suivant, les mêmes jours et aux mêmes heures. Et le mardi 12 à 20h30. Donc il nous reste encore 7 séances. La pièce s'intitule « Incruste à domicile ». Et oui. Elle a été écrite par Gérard Levoyer. Tout à fait. Tu veux nous dire quelques mots? Non, je ne connais pas forcément l'homme. Non. Non, c'est un écrivain de pièces comédie. C'est tout ce que je peux savoir. Pourquoi vous avez fait ce choix de pièces? Le choix, vous savez, c'est très très difficile à faire, un choix de pièces actuellement. Il faut savoir que pour nous créer une pièce, enfin créer la pièce, disons présenter une pièce, nécessite énormément de travail en amont. Il faut quand même qu'on retrouve une pièce qui nous plaise, mais il faut également les acteurs. et les acteurs, c'est pas forcément le plus évident à trouver. Nous avons quand même un panier d'acteurs assez important à vanier, 7 ou 8 personnes, mais il faut que la pièce corresponde aux âges de nos acteurs, aux qualités et compétences de nos acteurs. Nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes tous des acteurs amateurs. Donc il faut quand même adapter le personnage à sa propre qualité personnelle. Cette voilà. troupe de vanier s'appelle Côté Coulisses. Vous allez jouer où ? Toujours au même endroit ? Il faut savoir que notre troupe, elle existe depuis 1966, et qu'elle existait encore avant. Nous avons pris le relais en 1966 d'une troupe qui existait avant-guerre, et qui avait continué après la guerre jusqu'en 1955, à peu près. On l'a repris en 1966, et depuis, nous n'avons jamais arrêté. Certaines années, on a joué dans d'autres communes du département. On a les dernières sorties, si vous voulez, qu'on a faites, c'est au Tréteau de Mai à Remiremont. Mais depuis 4-5 ans, on se cantonne à 11 séances sur Vanier seulement. Où précisément ? À l'espace Saint-Hubert, 26 rue Michel-Collinet. Pour plus de renseignements, il y a déjà un numéro de téléphone pour réserver. Pour réserver à l'ADEME, à partir de maintenant, on réserve que par téléphone le soir à partir de 19h. Et le numéro 06 20 25 60 61. C'est exact. 06 20 25 60 61. Et puis pour les renseignements, ça sera à toi, avec toi qu'on aura affaire, Jean-Pierre, ça sera le 06 78 20 90 13. C'est exact. 06. Mais en fait, m'appeler, ça sert pas grand-chose pour la réservation. Pour d'autres renseignements, je vous en parlerai plus tard parce qu'on fait partie d'une association que je voudrais également évoquer tout à l'heure. On le fera peut-être juste après la première pause en chanson. Et vous verrez, il y aura un lien, mais je ne vais pas dire lequel. On écoute. Rappelez-vous l'été 1967 dans les rues de San Francisco et les hippies ne seront pas, enfin, en tout cas dans les rues de San Francisco c'était autrefois, mais très prochainement, dimanche, ils seront à Saint-Étienne-lès-Remiremont, à la salle polyvalente, pour être précis, pour le... Il n'y en aura que deux. Oui, pour, vous avez entendu Chantal Rousseau, qui est dans le studio de Radio Gamozon avec Jean-Pierre Adam, et il y a aussi Jocelyne Michel qui est céramiste, Jean-Pierre, lui, c'est la troupe théâtrale de Vanier côté coulisses, et Chantal, elle, c'est la chef d'orchestre, j'ai envie de dire, de ce défilé costumé dans le cadre de la Galerie des Artistes dimanche. La Galerie des Artistes, ça sera de 10h à 18h, le défilé à 15h, et bah oui, les hippies, y en aura, puisque ça fait partie des couples, puis c'est le thème, hein, les couples. Le couple de hippies sera présent. Tout à fait, oui, parmi tant d'autres. Et dans les costumes, il n'y aura pas de petit chaperon rouge, puisque il est rentré, il vient d'entrer dans le studio de Game of Thrones. Vous l'avez pas vu, non, elle avait pas sa cape. Lou, bonjour, bonsoir. Bonsoir Mika, bonsoir aux auditeurs. C'est vrai, hein, dans les costumes, il n'y a pas de... Enfin, tu l'as, le chaperon rouge, en fait? On peut... Oui, je l'ai. Mais pas... Un adulte et un enfant, oui. Il sera pas pour le... Non, non, il reste au chaud, Stanley, il sortira pas. Non, il fait trop froid. En ce qui concerne, d'ailleurs, hein, je le disais tout à l'heure, il y aura une quarantaine d'exposants, dont Jocelyne. Et Chantal, en plus de t'occuper du défilé, tu seras aussi là en tant qu'exposante. Oui, bien sûr, oui, oui. Il y aura quoi Alors moi j'expose des sacs, ben tout fait main, hein, ça va de soi, sinon il y aurait aucun intérêt. Donc des sacs à main, des écharpes, beaucoup d'articles cousus, des bijoux aussi. Et pour notamment les photos, là il y en aura pas. Les photos, c'est que sur ton site. Les photos, non, c'est vraiment perso les photos. Non, j'en ai jamais exposé de photos. Sur le site Chantal Costume au pluriel 88.fr. Et puis c'est facile à se souvenir de Chantal, hein, parce que vous devez certainement voir sa voiture dormir mont ou alentour, on peut pas la louper. Oui, c'est clair. Bien, il y aura Jocelyne aussi, parmi les 40, pour l'instant c'est ça, c'est 40 exposants. Jocelyne, ça sera ces céramiques qu'on a un petit peu évoquées tout à l'heure, pas en détail, hein, mais on a déjà compris la spécificité. C'est notamment d'une part les animaux, d'autre part les personnes, personnages. Oui, je me suis un peu orientée sur ce qui est africain, asiatique, tout des personnages assez typés, et depuis un an, là, je vais faire des cours, je vais chez quelqu'un qui a un four à ragoût, et je fais du ragoût. Donc, beaucoup de personnages, je sais pas si j'en amènerai à Saint-Étienne, peut-être un ou deux, parce que je fabrique beaucoup, beaucoup, alors je peux pas tout transporter. Voilà. Tu peux peut-être dire aux auditeurs ce qu'est la méthode du ragoût? Ben, la méthode du raku, c'est une méthode, c'est déjà, il faut trouver une terre très très résistante, c'est-à-dire du grès, et c'est une méthode, on façonne les pièces comme la méthode traditionnelle, avec une première cuisson, et la deuxième cuisson, ça nécessite un four spécifique, un four cloche, que je n'ai pas à la maison, donc c'est pour ça que je vais le faire à l'extérieur. Et c'est les pièces, on les amène à une température de 1000 degrés, avec un émail émaillé, quoi, un émail qu'on met dessus. Et ce four se soulève comme une cloche. On sort les pièces incandescentes avec des crans de perches, des crans de pinces, des choses comme ça. Et on met ces pièces-là dans de la sciure, on les enfume. Donc, quand on sort la pièce, ça fait un choc thermique, on entend tout claquer, tout craquer. Et le fait de les mettre dans la sciure, ça provoque un enfumage qui vient se mettre dans les craquelures, fissures. Dans les fissures. Et toute la partie de la terre qui n'a pas été émaillée sort enfumée. Voilà. Là, tu nous parles de la cuisson. Avant celle-ci, que se passe-t-il? Quelles sont les différentes étapes pour ce qui est des céramiques? Bon, on façonne la pièce de plusieurs façons, hein. Il y a plusieurs méthodes pour façonner une pièce, au colombin, à la plaque, dans la masse et ainsi de suite. Mais systématiquement, toutes les céramiques nécessitent deux cuissons. Une première cuisson qu'on appelle le biscuit ou le dégourdi, qui consiste à éliminer le maximum d'eau qu'il y a dans la terre et de lui donner une forme solide. Et suivant les terres, plus la cuisson est plus ou moins élevée, ça peut aller de 800 degrés pour les faïences jusqu'à 900, 1000 degrés pour le grès, qui est beaucoup plus résistant. Et puis, il y a les deuxièmes cuissons qui sont différentes suivant ce qu'on veut faire, si c'est raku, ou alors suivant les terres. Il y a deux familles de céramiques, d'une part les poreuses, donc c'est faïence, poterie. Voilà. Et puis d'autre part, ce qu'on appelle les vitrifiés, grès, porcelaine. Voilà, c'est ça. Vitrifié, c'est, dès qu'on met de l'émail dessus, elle se trouve vitrifiée, quoi. Mais dans la terre, il y a la faïence qui est très très malléable, qui est très fine, qui est très fluide et qui permet de faire de la précision dans les visages, dans le petit détail, chose qu'on ne peut pas faire facilement avec du grès, parce que dans le grès, il y a beaucoup de silice, donc de petits cailloux, de petits grains, donc on va pas pouvoir façonner un nez ou une bouche, une chose comme ça, très finement. Donc il faut choisir sa terre en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Deux sortes d'objets possibles. D'un côté, ce qu'on appelle fonctionnel, ça peut être de la vaisselle, des vases, etc. Et d'un autre côté, les objets décoratifs de l'art, de la sculpture. Voilà. C'est ton cas ? C'est mon cas. Parce que la vaisselle, les choses comme ça, ça se fait beaucoup autour. Et moi, le tour, j'adhère pas, parce que j'ai jamais réussi. La terre s'en va à droite, à gauche, mais elle ne reste pas sur le tour, donc j'ai abandonné. Mais j'adore façonner, sculpter, monter des pièces, et puis leur donner vie, quoi. Ce n'est malheureusement pas avec toi que je vais pouvoir avoir un pot. J'ai besoin d'un pot de fleurs, donc c'est pas toi qui vas pouvoir me le faire. Si, je le ferai au colombin. Je ferai avec une méthode à moi et pas autour, quoi. Voilà. Quand on parle de sculpture avec Jocelyne, on peut dire, Jean-Pierre, que le théâtre, c'est aussi quelque part de la sculpture. En tout cas, pour ce qui est du réalisateur, du metteur en scène, il doit modeler, quelque part, façonner les acteurs qui jouent. Tout à fait. Mais il faut savoir quand même que quand on est acteur, on n'est pas soi-même. Le plus difficile, c'est de sortir de sa propre personnalité. Il faut vraiment deux personnages. Voilà. Donc, si vous voulez, on se sculpte avec le personnage qui est proposé dans le texte et dans la pièce. Ton rôle, mon rôle, c'est pas tout à fait la mise en scène, c'est mon épouse, Elisabeth Adam. C'est elle qui est metteur en scène depuis une quinzaine d'années. Dans notre troupe. Moi, mon rôle, il est totalement différent. Je suis président de l'association qui gère la totalité, le théâtre et d'autres activités sur Vanier. Et c'est là que tu vas peut-être nous dire les autres activités, puis après t'enchaîneras sur l'association que tu as évoquée tout à l'heure. Les autres activités, justement, font partie de l'association d'éducation populaire à Vanier. Son site se situe à l'espace Saint-Hubert. Même adresse que la salle de théâtre. En fait, la salle de théâtre, qui est une salle traditionnelle de théâtre, une vraie, elle existe depuis une centaine d'années et on l'a laissée toujours en état. Donc elle a toujours son petit cachet aussi. Mais le rôle également de notre association, c'est de louer d'autres salles. Nous avons 3 salles de capacité différentes, 120 personnes, 50 personnes et 20 personnes, et une partie hébergement pour 36 lits. Donc notre activité, c'est surtout de louer ces salles pour des activités privées, donc mariage, fêtes de famille, professionnelles également, des conférences, mais également la salle de théâtre pour d'autres spectacles que le théâtre. Voilà. Donc toutes les salles sont ouvertes toute l'année, 365 jours sur 365, et pour pouvoir réserver, si des personnes qui m'écoutent sont intéressées, je vais laisser un numéro de téléphone et une adresse mail. Alors, pour le numéro de téléphone, je reprends. Le 06 28 80 18 39. Et ils auront une dame qui s'appelle Jessica qui prendra les renseignements. Ou alors une adresse mail. Réservation au pluriel, aep.vanier@gmail.com. La location voilà. De salle, c'est à Vanier. C'est à Vanier, tout à Vanier, oui. Et ça fait partie des activités de l'association. Alors, en autre activité, on a essayé de mettre d'autres activités dites culturelles et récréatives, mais c'est pas évident. Pas évident. Nous avons fait venir pour des concerts. Nous avons fait venir pour des conférences. Mais là, c'est vraiment 2 à 3, voire 4 depuis 3-4 ans. On n'a pas pu élargir parce qu'il y avait toujours des contraintes de la part des arrivants. Parce que nous ne pouvons pas être organisateurs de spectacles. Nous n'avons pas la licence. Donc ce sont des personnes à qui on loue les locaux et qui, eux, présentent leur spectacle. Et c'est là que ça fait un petit handicap. L'association d'éducation populaire à Vanier, qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire ? Ben, cette association, elle a été créée en 1912, je crois. Pour vous donner juste son origine, les bâtiments ont été donnés à la paroisse de Vanier il y a plus de 100 ans. Et comme la paroisse ne peut pas gérer des biens immobiliers, elle a créé une association pour le faire. Et dans ce cadre-là, elle a créé en même temps des activités d'éducation populaire. Et jusqu'en 1960, 70, il y avait des activités sportives, récréatives, le théâtre, musique. Voilà. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule activité vraiment d'éducation populaire, c'est le théâtre. Le reste des activités, ce sont des activités extérieures qui viennent dans nos bâtiments et sur le site. Qu'est-ce qu'on appelle éducation populaire ? Éducation populaire, c'est vraiment de l'éducation populaire, c'est-à-dire vous apprenez aussi bien la musique que le sport, que la culture normale. Voilà. Lou, tu as noté des choses ? Tu as des questions à poser ? Pas pour l'instant, non, sinon tu le sais très bien, je me manifesterai, comme d'habitude. Pour Chantal, on va voir, tout à l'heure je le précisais, mais je le précisais justement, non, j'en ai pas détaillé le contenu de ce que tu proposes et ce qu'on peut voir sur le site internet, notamment en ce qui concerne la peinture, puisque il y a des choses moi qui m'ont interpellé, notamment déjà toi là aussi t'as tout essayé, acrylique, huile, j'oublie quoi, aquarelle, dessin, crayon, portrait. Est-ce que je trouve sympa, c'était ça, notamment les portraits au crayon. On navigue dans cette galerie de portraits sur le site internet chantalcostume88.fr. On navigue entre des vedettes. Et donc il n'y a pas de souci, on voit très bien de qui il s'agit. Chaque personne est ressemblante, il n'y a pas de problème. Tant mieux. C'est le but et, à la base. Par contre, ceux pour qui on se demande qui ils sont, ce sont ou des amis ou de la famille ou des voisins. C'est ça. Oui, la famille et les amis, oui. C'est ça que j'ai trouvé plaisant, moi. C'est d'un côté les visages dans la même galerie de photos portraits. Il y a les stars et puis les stars de ta vie. Tout à fait, oui. Dans les autres points marquants par rapport à la peinture, ce que j'ai trouvé assez original, je sais pas si tu les exposeras ce dimanche à la galerie des artistes de Saint-Étienne et Remiremont, c'est tout ce qui est découpe, c'est-à-dire que tu peins et tu découpes autour. Il y avait par exemple des bustiers, il y avait des ballerines, sacs. Oui, c'était une lubie à un moment, oui. Oui, c'est vrai que je découpais, oui, des plaques d'isorel, par exemple, avec déjà une forme bien définie, et après je la peignais. Mais c'est sympa, hein, ça fait. Oui, c'était original. Ça sortait des tableaux de formes basiques, quoi, carré, rectangle, rond. Là, au moins, c'était des formes de, ballerines, des bustiers aussi, des chats aussi. Voilà, un peu de tout. Et puis la manière aussi dont tu les as mises en valeur, tu les as photographiées, notamment sur des chaises, par exemple le sac. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et dans les thèmes, notamment de peinture, on peut rejoindre peut-être un peu les céramiques de Jocelyne, c'est-à-dire que il y a des personnages, des paysages, des animaux. Oui, il y a tout. Mais même la céramique, je m'y étais mise, mais j'ai pas mis de photos sur mon site internet. Voilà, faut essayer un peu de tout. C'est tellement génial de changer de choses. les bijoux, peut-être que nous les évoquerons tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais en revenir notamment à la couture, puisque vous savez, hein, ce qui nous intéresse dimanche, c'est la galerie des artistes à Saint-Étienne. Je le redis, c'est gratuit. C'est pour ça que c'est important. Totalement. Enfin, c'est pour oui. ça que c'est important d'y aller. On peut quand même aller aux manifestations payantes, mais certains n'ont pas forcément les moyens. Là, l'art. Bah c'est pour tous, c'est aussi ça que veut démontrer cette manifestation, hein, puisque il y a des professionnels, mais il y a aussi beaucoup qui œuvrent en loisir. Et comme toi tu le disais, hein, Jocelyne, la céramique c'est du loisir pour toi. Et beaucoup, notamment aussi de diversité dans les supports proposés. On parlait de peinture, sculpture, la céramique, j'en oublie, hein, il y en a tellement, il y a des photos, il y a de tout. Et la quarantaine d'exposants, ça, on l'avait dit. Et puis, si vous y restez toute la journée, il y aura de quoi vous ravitailler. En tout cas, il y a la buvette tenue par l'amicale du personnel. Il y aura aussi l'animation de Jean-Pierre Roussel. Il y a pas d'interruption, hein, du temps de midi. C'est vraiment non-stop de 10h. À 18h, la galerie des artistes, salle polyvalente. Elle reste à la salle polyvalente. Elle migre pas en face à la nouvelle salle de. Non, elle est trop petite, la salle d'en face. La salle polyvalente convient bien, déjà pour accueillir tout ce monde et puis aussi pour se défiler avec des différences. Hein, c'est pas le même défilé que l'an passé. Ben non, on essaie de changer quand même d'année en année, mais bon, après les costumes, je n'en fabrique plus parce que la maison n'est plus assez grande. Donc, mais bon, il y a l'art et la manière de les faire circuler de manière différente. Et plus de 400, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a de quoi piocher. Oui, oui, il y a de quoi faire, oui. J'espère que t'as de l'antimite à la maison, hein, parce que... Ça va, ils se portent bien. Ils ont l'air, hein, sur les photos de ton site, il y a l'air de pas avoir de soucis là-dessus. Quelques personnes veulent voir avant de quoi ils retournent, je suis aussi sur Facebook, Chantal Costume, on peut voir quelques photos et vidéos. Comme ça peut déjà leur donner un avant-goût de ce qui se passera dimanche à 15h. Costume au pluriel, hein, il y en a pas qu'un. Chantal Costume avec un S, oui. Chantal sans E. À propos, bon, tu ne m'en voudras pas, Chantal, je dévoile un petit peu la playlist musicale. Bon, il y a 20 morceaux. Là, ce soir, on en a passé un pour les hippies, ça sera celui que vous avez entendu. Très bien, oui. Et là, on va écouter un autre titre et je vous laisse deviner. Ceux qui ont vu la liste des costumes qui seront présents à la Galerie des Artistes, hein, parce que tu l'as diffusé notamment sur ton Facebook, Chantal, vous allez essayer de trouver pour quel costume correspond ce morceau-là. Oui. suis moche, oui, mais j'ai horreur, malheur. Oui, oui, oui, sur mon palais maudit, je viens faire mal au tout petit. Je fais bouillir des mains de pendu. Je mange des crapauds poilus. Je fais des potions pour séduire les hommes. Taquet, hein, dans le studio de Radio Game of Thrones, la salsa du démon, j'ai fait peur à mes invités. Chantal Rousseau, couturière, costumière, artiste, multitalent, avec à ses côtés Jean-Pierre Adam. C'est bien, ça rime avec multitalent. Là, on parle de théâtre, la troupe côté coulisses de Vanier. Et à côté de Jean-Pierre, en face de Chantal, il y a Jocelyne Michel, qui, elle, est céramiste. Oui. Et qui sera présente, tout comme Chantal, à la Galerie des Artistes ce dimanche à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Remiremont, de 10h à 18h, non-stop, hein, n'hésitez pas à y aller quand vous voulez, et puis, surtout, en tout cas, un moment attendu, hein, toujours, c'est le défilé des costumes de Chantal, ça sera à 15h, et vous avez entendu ce soir deux extraits musicaux qui illustreront ces passages avec des costumes adéquats. Alors, est-ce que vous avez trouvé quel costume bougera sur cette musique? Bah si, elle, moi, oui, j'ai trouvé. Bah oui, c'est la salsa du démon, c'est des démons, quoi. Oui, des diables. Voilà. Le couple de diables. Le diable. Ouais. Quand je dis que le costume va bouger, hein, il y aura du monde dedans quand même, il va pas bouger tout seul. Ah ben, j'espère bien qu'ils bougeront, oui. Après, c'est un peu comme le théâtre, là. Après, chacun est libre de se donner ou pas. Hein. Mm. Et j'ai annoncé presque tout le monde autour de cette table, non? Il y a quelqu'un qu'on connaît pas. Est-ce que c'est une auditrice ou qui est venue comme ça, sans crier gare? Oui, oui, c'est une auditrice random, là, qui écoutait la radio dans sa voiture et qui s'est dit, ah, bah, tiens, on peut venir, comme tu le disais, Mika, au 8 place de l'hôtel de ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Donc, je suis venue. Tu as trouvé facilement? Oui, oui, et puis j'ai pris la place de Lou, je l'ai jarté, cette loseuse, et puis voilà, j'ai pris sa place, c'est mieux. Ça va bien, dans loseuse, il y a Lou, effectivement. Bon, les jeux de mots, il y en a pas, hein. À la Galerie des Artistes, je disais qu'il y avait à peu près tous les médiums représentés, tous les supports, toutes les disciplines. Mais non, il n'y a pas de poésie, il n'y a personne qui écrit. Dans les exposants, il n'y a pas d'auteur. Dans la salle cette année, je ne sais pas. S'il n'y en a pas à la salle polyvalente ce dimanche, à la salle polyvalente de Saint-Étienne, il y en aura à Vanier, du côté de la salle Saint-Hubert. Pour cette pièce de théâtre, hein, puisque alors je dis il y en aura oui et non, puisqu'elle n'a pas été écrite par la troupe côté coulisses, hein, tu le disais Jean-Pierre, c'est Gérard Levoyer. Donc vous avez repris cette pièce, vous n'écrivez pas vous-même? Non, on s'est pas encore lancé dans ce défi. Non, pour l'instant on va chercher, il y a quand même des bibliothèques d'auteurs relativement imposantes et on doit pouvoir trouver. La pièce incruste à domicile, tout à l'heure je parlais de vaudeville, c'est ça? C'est pas un vaudeville, c'est pas quand même appelé un vaudeville, là c'est une comédie simplement. On va utiliser que le mot comédie. Alors pour le grand public, Vaudeville, qu'est-ce que c'est? C'est aussi Vaudeville, c'est ma femme. C'est plus hilarant, si vous voulez. Mais enfin, c'est quand même une comédie hilarante quand même. Enfin, elle a plusieurs facettes cette pièce cette année. Et souvent les vaudevilles, il est histoire de couple. Là, on parle. Voilà, c'est ça. Nous, on n'a pas. Galerie des artistes, le thème. Ben là, c'est... Je ne veux pas dévoiler un petit peu le thème parce qu'en fait, ça irait trop loin. Mais c'est pas dans cet esprit-là. C'est vraiment cette année, on a trouvé une pièce qui était quand même un peu particulière, qui avait plusieurs facettes. Donc de partie comédie, mais il y a un côté émouvant. Il y a un côté également vie d'aujourd'hui des personnages. Ceux qui iront la voir riront. En tout cas, ils passeront un très agréable moment. Pardon. Il y aura aussi de la réflexion. Ça peut. Il y aura. Bah, disons que celui qui, pendant une heure un quart, c'est une pièce qui ne dure qu'une heure un quart. Pendant une heure un quart, vous passerez un très bon moment. Vous verrez pas le temps passer. Par contre, il y a des bons moments de rire, mais c'est pas à se tordre sur le fauteuil. C'est pas tout à fait cet esprit-là. Un côté réflexion, c'est vrai, parce que il y a des moments assez émouvants qui peuvent très bien se traduire dans l'esprit de chacun. Est-ce que tu peux citer les acteurs de cette troupe côté coulisses, puisque je pense que certains acteurs ou actrices vous diront quelque chose. Déjà, ici, on en connaît un. Direct. Oui. Rudy. Rudy Noël, qui tient l'estaminet Vanier, oui. Ensuite, avec lui en personnage masculin, Hugues Mougenot, qui fait partie déjà de notre troupe depuis une dizaine d'années. Et deux dames, Lisiane Poirot, qui habite Vanier, et une autre qui s'appelle Laurence, mais je sais pas son nom de famille, en fait, on l'appelle Laurence, et qui vient d'arriver sur Vanier, et qui habite Épinal, et qui vient de se joindre à notre troupe en 2019. C'est ça, il y a des personnes qui viennent d'ailleurs. Sur les quatre, il y en a deux qui sont de l'extérieur, de Remiremont et l'autre d'Épinal, et deux de Vanier. Mais ça fait plusieurs années qu'on fait appel à des originaires de Vanier, mais qui n'habitent plus Vanier. Et puis ensuite, ils amènent eux-mêmes des connaissances qui sont intéressées par la troupe et qui se déplacent. Donc, je vous dis, Épinal. Vous cherchez d'autres actrices et acteurs ? Nous sommes toujours en recherche d'acteurs, de jeunes. Et moins jeunes, bien sûr, mais de jeunes surtout. Parce que les pièces que l'on trouve aujourd'hui à jouer, bien souvent, font appel à une tranche de génération qui se trouve être entre 20 et 45 ans. Ce que tu disais tout à l'heure, de ce fait, le choix de pièces est limité. Il se limite, oui. Il se limite. Ceux qui vous rejoindraient maintenant ne pourront pas jouer, bien évidemment, dans l'incruste à domicile, mais pourront quand même peut-être déjà vous soutenir d'une manière ou d'une autre, peut-être dans la logistique, etc. On peut vous rejoindre. Toujours. Quoi qu'il en soit. Toujours. Le numéro de téléphone, j'ai le donné. Alors, ce qui est bien avec Jean-Pierre, il y en a trois. Bon, il y en a un, on peut l'oublier, puisque c'est celui de l'association Éducation Populaire. Bon, même si c'est lié, on oui, va pas le donner. On n'en parle pas de celui-là. On va donner, tiens. Oh, je vais donner le tien, comme ça évitera que ta femme s'en vite. C'est le mien, c'est le mien. L'autre, c'est celui de ton épouse, hein, pour les réservations. Non. Ah non, c'est le tien aussi. Non, celui des réservations, c'est vraiment la troupe, elle a son propre téléphone. Ah. Il y avait l'éducation populaire que j'ai donné, mais c'est pour la location des salles. Ensuite, le 06, je ne sais plus quoi, 20, 60, 61, là. Et celui-là, c'est celui de la troupe. Et c'est celui des réservations. Ah ben je vais leur donner parce que de la manière dont tu l'as fait, on va pas réserver. Hein, c'est vous toujours. 06 20 25 60 61. 06 20 25 60 61. C'est pour réserver du côté de Vanier. C'est la salle Saint-Hubert. C'est là où sera jouée la pièce Incruste à domicile de la troupe côté coulisses. Elle sera jouée. Elle a déjà été jouée, mais maintenant ça ne vous intéresse plus. Vous n'y êtes peut-être pas allé, ou si vous y êtes allé, appelez-nous. Tiens, au 03 29 62 40 40, vous pourrez nous donner vos impressions. Sinon, ce vendredi 8, demain, tiens. Vendredi 8 à 20h30, également dimanche à 15h, au moment du défilé costumé de la Galerie des Artistes. Tu as oublié samedi aussi. Ah samedi, oui, samedi à 20h30. Ben oui, je fais les choses à moitié. Hein. Allez, on recommence. Vendredi et samedi à 20h30. Dimanche à 15h. Ensuite, ça sera dans la semaine, le mardi 12 à 20h30. Puis le week-end suivant, vendredi 15 et samedi 16 à 20h30. Et le dimanche 17 à 15h. C'est bon ? Tout est dit ? Tout est dit. Je crois qu'on va marquer un dernier instant musical et j'hésite dans la playlist des chansons qui illustreront le défilé costumé de la galerie, j'allais dire Saint-Nicolas, je sais pas si j'ai appris, hein, de la galerie des artistes. Est-ce que vous voulez un titre en français ou en anglais? Français. Oui, c'est français. Bien parce que... Faut que je sois dans les quotas, là. J'ai passé, c'était du 50-50 ce soir. Faut qu'on bascule du côté, de la langue française. Et, ah, allez, celui-ci me fait rire. Je ne sais pourquoi. Ah, non, non, pas celui-ci, hein, si. C'est celui-ci. Le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme un dessert, je te paie le café concert. On va filer bras dessus, aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens, quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens, souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Avec sa femme, un brave agent, chez lui rentrait gaiement. Quand tout à coup, jugez un peu, on entend des coups de feu. C'était messieurs les bons apaches, pour se donner du panache, qui s'envoyaient quelques pruneaux et jouaient du couteau. Brave agent, indulgent, dit à sa femme tranquillement, Viens, popolo, pourquoi les déranger? Ça pourrait les fâcher. Ah, viens, popolo, te mets pas en émoi, ils se tueront bien sans moi. De vieux époux, tout tremblotant, marient leurs petits enfants. Après le bal, vers les minuit, la bonne vieille dit à sa petite fille tombant de sommeil, je vais donner des conseils qu'on donne toujours aux jeunes mariés, mais le grand-père plein de gaieté dit doucement, bonne maman, laisse-les donc ces petits enfants. Viens, popole, ces deux petits polissons n'ont pas besoin de leçons. Ah, viens, popole, demain matin, ma foi, ils en sauront plus que toi. Félix Mayol sur Radio Gémozo avec ce morceau que vous entendrez dimanche lors du défilé de la galerie des artistes à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Le défilé, ça sera à 15h, mais vous aurez pu visiter, échanger avec les artistes présents, une quarantaine, depuis le matin à 10h jusqu'à 18h en fin d'après-midi. Il y a dans ce studio... 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Et c'est bien de citer l'adresse, comme ça des auditrices nous rejoignent, comme ce fut le cas. N'est-ce pas? Il y a Lou qui aurait pu exposer, hein, vous le voyez, enfin oui. Vous le voyez. Sauf ceux qui nous écoutent, mais ceux qui sont dans cette salle, dans notre studio plutôt, vous pouvez voir que Lou dessine. Elle a déjà exposé, d'ailleurs on en reparlera, mais le Brame des Arts, une exposition qui est importante à Remiremont. Je sais pas si vous connaissez Chantal, Jocelyne, Jean-Pierre. Non, pas du tout. C'est non. Organisé par la mission locale, qui est normalement réservée aux moins de 25, mais des artistes exposent qui ont dépassé, j'allais dire, la date de péremption. On dit pas Ils sont plus âgés, tout simplement. Et cette année, d'ailleurs, nous, ça ne sera pas. D'habitude, c'est le premier week-end de mai ou non, deuxième, enfin, mi-mai. Oui, d'habitude, baisse le studio, s'il te plaît. D'habitude, oui, c'est dans le deuxième week-end de mai, mais exceptionnellement, comme ça, je passe l'info tant qu'à faire. On m'a informé que ce sera dans la deuxième partie du semestre 2019. Donc, après, plus précisément, je sais pas quand ce sera, mais ce sera, après le mois de juin. C'est tout ce que je sais, tout ce que je peux dire. Ou après le mois de juillet. Point. Bram des Arts. Et en ce qui concerne la galerie des artistes à Saint-Étienne ce dimanche, il y aura de toute façon des exposants, j'ai envie de dire habituels, comme Jocelyne, Chantal, et d'autres certainement. Il y a là aussi une diversité dans les âges. Il y a les autres années c'était le cas. Il y avait en plus des différentes disciplines aussi dans les générations. Mmh. Il y a tous les âges, oui. Ah, oui. Des jeunes, de tous les âges, oui. Pas mal de peintres, je crois, cette année. Il y a beaucoup de peintres, je trouve, cette année, oui. Oh, déjà les autres années, non? Oui. Mais c'est vrai que c'est... Alors, je sais pas, hein, j'ai pas lu de sondage, mais on s'imagine que la peinture est quand même ce qui est beaucoup représenté, hein, beaucoup peigne, que ça soit... Ah, tu es sceptique, Lou. Ouais, je suis pas trop d'accord, parce qu'en tout cas, dans le dernier Bram des Arts, il y a eu beaucoup de photographes, donc c'est vrai que la photographie, c'est un art qui est en train de se développer, parce que bon, mis à part le fait que d'avoir un certain œil et savoir gérer un appareil photo, parce que c'est très technique, avec la vitesse d'obturateur et tout ce qui va avec, enfin, tout un charabia que j'arrive pas encore à maîtriser, mais après, voilà, c'est beaucoup plus facile et rapide de prendre une photo sans dénigrer le travail des photographes qui font un travail extraordinaire, que de faire un tableau ou un dessin de A à Z. La photographie est en plein essor en ce moment, et c'est vrai que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais si tu savais tout ce qu'il y a comme artiste photographe sur les réseaux sociaux, eh ben, tu ne tiendrais pas ces propos-là. Eh bien, c'est dit. Mais je confirme, il y a encore beaucoup de dessinateurs et de peintres aussi, énormément. Par contre, ceux qu'on voit peut-être moins, c'est la céramique, et grâce à Jocelyne, on peut en voir. Ben oui, j'essaye de... Ça fait pas très longtemps que j'expose, parce que c'est justement des amis qui m'ont poussé à le faire. La première fois, j'étudiais le comportement des personnes qui passaient devant mon stand. Bon, quand j'en voyais qui passaient sans regarder, bon, j'étais un petit peu vexée. Je me remettais en question, et au bout de la deuxième expo, je voyais les gens qui s'arrêtaient, qui regardaient, même sans acheter, même sans faire quoi que ce soit. Rien que le regard des gens qui s'intéressent, c'est très très important. Et je vous invite à aller voir forcément Jocelyne et tous les exposants à la Galerie des artistes de Saint-Étienne ce dimanche. Et vous verrez, j'ai pu voir certaines céramiques de Jocelyne sur Internet. Et c'est vrai que je trouve que tu as ton style à toi. Et notamment, on le disait, ce côté... la caricature, c'est présent en dessin, en peinture, mais en céramique, je sais pas. En tout cas, tes personnages et encore plus les animaux sont fort sympathiques de par ce regard-là. Oui. Moi, en tout cas, j'adore. Oui, et là, je suis en train de préparer une exposition que je vais faire à la Galerie du Bailly à titre personnel, au mois de novembre, le 11 novembre de cette année. Et là, j'ai décidé, je vais faire tout un troupeau de vaches, des vaches briques de lait, des vaches avec un corps carré, rectangulaire. Donc j'en suis à la cinquième que je fabrique, et je vais faire un troupeau de vaches. Je vais essayer d'en faire une 25-30. C'est presque à la Andy Warhol avec ses boîtes de soupe. Hein. Voilà, c'est ça. C'est en regardant une publicité de lait avec des vaches en briques de lait, ça m'a donné l'idée de faire un troupeau de vaches, voilà, briques de lait. Et Jocelyne, on peut en profiter pour ceux qui sont artistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs. La galerie du Bailly à Épinal, place des Vosges, peut être un endroit qu'on loue, qui est pas mal pour exposer. Ça peut être que ça soit pour une première ou non, mais c'est un endroit qu'on peut conseiller. Ah ben tout à fait. Bon, moi je suis d'Épinal, donc j'ai le tarif des Spinaliens. Donc très favorisé, quoi. Mais c'est vrai que c'est une galerie qui on ne peut exposer que tous les 2 ans, tellement elle est demandée. Et puis, ben, pour mon cas personnel, c'est un passage vers, vers, parce que là, les gens qui viennent, les personnes qui viennent voir cette galerie, c'est des gens vraiment intéressés par l'art, qui viennent pas faire leur petit marché, qui viennent pas faire leur petit, ils viennent voir. Bon, sans pour autant acheter, mais ils viennent voir et c'est des artistes. Bien souvent, c'est des artistes. Et il y a une concertation entre les visiteurs et nous qui fait que ben on apprend plein de choses d'un côté comme de l'autre. On en revient à ça, hein. L'essence finalement d'ailleurs qu'on parle art ou non, hein, c'est les échanges, donc c'est pour pouvoir avancer, c'est primordial, et là, en l'occurrence, ah ben, toi? Oui, pour pouvoir avancer, on a obligatoirement besoin du regard des autres. Obligatoirement, parce que, bon, bah, moi, au départ, on me disait, bah oui, votre personnage, là, bon, bah, votre avant-bras n'est pas proportionnel, voilà, au bras du haut, enfin, et ça, je l'avais pas vu. Parce que, bon, bah, moi, je trouvais que ce que j'avais fait, c'était abouti. Et en fait, ben non. Alors maintenant, je regarde, avant de finaliser une pièce, je fais encore d'énormes bêtises, ça c'est sûr, mais avant de finaliser une pièce, eh ben je la regarde, je prends l'œil d'autres personnes, j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un d'autre pour regarder ma pièce, avant de la finir complètement. Ton parcours est intéressant, notamment, je crois que tu t'es mis à céramique assez tard, tu veux nous expliquer ? Oui, parce que j'ai eu le malheur de perdre mon mari assez jeune, à 53 ans, et bon, puis je me suis retrouvée avec lui, on avait beaucoup d'activités, j'avais jamais l'occasion de faire quoi que ce soit, on travaillait énormément, et donc j'avais jamais le temps de prendre le temps de mes passions. Et le jour où il est parti, après quelques années après, je me suis retrouvée en retraite. Là, ça a été la cata. Je me suis dit, je vais m'ennuyer. Et je me suis lancée 2 ans avant ma retraite à faire un peu de céramique à la MJC. Et puis, ça a été un engrenage. Ça s'est fait comme ça. J'ai ce que j'avais envie de faire depuis ma tendre enfance, le travail de la terre, ben ça a explosé à ce moment-là, quoi. Voilà. Et tant mieux. Voilà. Et sans ça, mes moments difficiles, quand j'ai des passages à vide, je descends dans mon sous-sol, dans mon atelier, je me mets avec un pain de terre et je travaille, et mes soucis s'envolent. Certaines œuvres de Jocelyne Michel seront présentes à la Galerie des Artistes de Saint-Étienne, les Remiremont, à la salle polyvalente, hein, ce dimanche de 10h à 18h. Il y aura également Chantal qui sera, j'allais dire, la maîtresse de cérémonie, hein, la chef d'orchestre et j'allais dire aussi le bal costumé. Hein, bah, décidément, c'est d'avoir entendu l'orchestre du Splendide là tout à l'heure qui m'a donné cette idée de. Comme si c'était un bal, non, c'est un défilé en costume, et les costumes de Chantal, et vous le verrez, hein, beaucoup de bonne humeur, un esprit festif, et puis Chantal exposera aussi, hein, que ça soit peinture, bijoux, on les a pas évoqués ce soir, mais je pense que les gens qui seront intéressés par ces bijoux originaux pourront papoter avec toi dimanche, il y aura bien un moment. Pas de souci, oui. Et puis, Jean-Pierre ne sera pas à la Galerie des Artistes de Saint-Étienne. Lui, il sera à Vanier, à la salle de Saint-Hubert, pour une représentation de la pièce Incruste à domicile. Ça sera bien dimanche 15h, mais avant ça, il y aura eu ce vendredi, demain, à 20h30, le samedi aussi à 20h30, je ne l'ai pas oublié cette fois, Jean-Pierre, et la semaine suivante, le mardi, 20h30 toujours, vendredi 15 et samedi 16, hein, le week-end prochain à 20h30. Et ça sera la dernière, le dimanche 17 à 15h, dernière représentation. Dernière représentation, oui. Pour la troupe Côté Coulisses, troupe de Vanier qui joue dans sa ville, à Vanier, salle Saint-Hubert. Est-ce que nous avons fait le tour de ce qui nous intéressait ce soir ? Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire ? C'est vous qui choisissez. Nous sommes à l'écoute. J'ai une rapide question, juste comme ça, hein, mais ça me concerne pas forcément moi, mais s'il y a d'autres artistes qui sont intéressés, qui aimeraient participer à la Galerie des Artistes, de près ou de moins, ou... Enfin, on a déjà transmis tes numéros si on veut rejoindre ta troupe, mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé aux autres artistes qui font pas forcément de la scène. Comment se joindre pour la prochaine Galerie des Artistes? Est-ce que... Là, c'est... En fait, il faut s'adresser à la mairie de Saint-Étienne-lès-Mirmont. Voilà, au service animation. Voilà, comme ça, le message est passé pour les autres artistes qui nous écoutent peut-être ce soir. Merci. On se dit au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Nous avoir laissé la parole. Et dans une heure pour des badéos aussi. Toujours en direct sur Radio Gamozo. Eh oui. Les émissions s'enchaînent.